toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques de la semaine de la série Culture Science, bien sûr aujourd'hui Continent Science, toujours en direct du studio numéro 1, de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, notre thème, d'abord un invité, Joseph Silk, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le futur du cosmos » avec comme sous-titre « Matière noire et énergie sombre ». Le futur du cosmos, mais on va aussi beaucoup parler de l'antériorité aussi, de l'ancienneté du cosmos, de son passé, évidemment. Et donc nous allons être dans la cosmologie, dans l'astrophysique lointaine. Mais, pour respecter notre habitude, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui je retiens, cette chronique la penultième avant l'été, je retiens un poisson. Un grand poisson de forme ovale, aux nageoires et à la queue orange. Le lampris, Wapa, avec un H à la fin, alias lampris guttatus. Et cela pour une raison bien singulière. Et écoutez bien, ce poisson est endotherme, ce qui veut dire qu'il est capable de maintenir sa température corporelle au-dessus de celle de son milieu, de son environnement, exactement comme font nous, les mammifères et les oiseaux. Autrement dit, c'est le premier poisson à sang chaud, identifié par les ichtyologues. Ce lampris mesure en moyenne 1 mètre de long, pèse une quarantaine de kilos, mais certains spécimens atteignent 2 mètres de long. Il vit dans des profondeurs moyennes de 5 à 300 mètres, cela dans tous les océans de la planète, où il chasse soit d'autres poissons ou même des calmars. L'endothermie, donc, n'est pas totalement inédite chez les poissons, les thons par exemple, ou certaines espèces de requins peuvent élever la température de leurs muscles lorsqu'ils chassent. Mais l'endothermie de ces prédateurs se limite seulement aux muscles locomoteurs. Le reste de leur corps, y compris les organes vitaux, comme le cœur par exemple, reste à la température de l'eau ambiante. L'Opa, lui, est le seul poisson chez qui l'on a observé une endothermie intégrale du corps tout entier. Le phénomène a été découvert fortuitement en Californie par des biologistes marins. Au départ, un pêcheur de San Diego a attrapé un opa au large de la côte californienne. Il a donné les branchies du poisson à un certain Nicholas Wagner, spécialiste de la physiologie des poissons. Quand ce dernier, Nicholas, a observé, examiné quelques mois plus tard les branchies qui avaient été gardées dans un liquide de préservation, bien sûr, il a tout de suite remarqué une singularité. Les branchies de l'opa présentaient un système complexe de fins vaisseaux sanguins formés et d'artères et de veines assemblés en un réseau très dense. Un tel réseau que l'on appelle généralement rete mirabili, le réticule admirable, comme celui que à la girafe autour de son cerveau quand elle se penche d'un seul coup du haut de ses 5 mètres de haut pour boire. Bref, ce réticule admirable, en latin, a été observé chez d'autres espèces chez lesquelles il joue le rôle d'un échangeur de chaleur. Le principe est que le sang veineux, provenant des parties chaudes du corps, transfère sa chaleur au sang artériel froid qui, lui, arrive des zones en contact avec l'eau, donc en particulier les branchies. C'est grâce à un système analogue que les oiseaux aquatiques, par exemple, réduisent la perte de chaleur lorsqu'ils ont les pieds dans l'eau froide. Chez les thons ou les requins, ces réseaux vasculaires existent, et comme nous l'avons vu, mais seulement autour de certains muscles. Tandis que le cœur et la plupart des autres tissus restent toujours à cette même température. Le pas, donc, est le premier poisson chez lequel a été observé un tel rete mirabile autour des branchies. Il est enveloppé dans une couche de graisse qui joue sans doute un rôle d'isolant. Ce réseau permet de maintenir une température supérieure à celle de l'eau dans la zone du corps la plus exposée au refroidissement et donc, en principe, de conserver le corps entier à une température stable. Faut-il, à nouveau, et encore, dire que la nature a tout inventé, ou presque. Bonjour Joseph Silk. Bonjour Stéphane. Joseph Silk, vous êtes, pour vous présenter rapidement, on peut dire d'une certaine manière, vous êtes un astrophysicien, un cosmologiste, voyageur, parce que vous naissez dans une banlieue de Londres. Oui, j'ai commencé en Londres, dans une école assez ordinaire, un lycée assez ordinaire, et j'avais la chance d'être sélectionné par l'Université de Cambridge. Et c'était un peu exceptionnel pour mon école. En effet, j'étais le premier de cette école à arriver à Cambridge. Mais néanmoins, pour moi, c'est une nouvelle expérience. Et c'est ouvert les portes pour l'avenir. Ouais. C'est un professeur qui a remarqué donc certains de vos talents. Et en général, évidemment, ceux qui arrivent à Cambridge ou Oxford, avant, les choses ont un peu changé. C'était des gens qui sortaient de Eton, ainsi de suite. Donc vous dites que c'est évidemment la upper class qui arrive. Vous étiez d'un coin où il y a un très grand club de football, hein. Oui, absolument, oui. Dans mon enfance, j'habitais en Tottenham, qui a connu pour son équipe de football à cette époque. Il était vraiment excellent, mais à cette époque aussi, on était dans les stades sans, pour la plupart des gens, sans siège. On est tous debout. Et quand le stade était rempli de monde, c'était un peu dangereux pour les enfants. Alors, ils ont construit une petite enclosure pour les enfants, les jeunes de 10 ans, 12 ans, comme moi à l'époque. Où on a aussi, c'était rempli avec les jeunes, et on a commencé à faire le hola. Voilà, la hola. Vous avez inventé la hola. Voilà, à cette époque. Et pour la Coupe du Monde. Voilà, la hola pour... c'est un hola qui a en effet une onde qui passe dans le stade. Et c'est avec cette onde, je pense, j'étais inspiré beaucoup plus tard à regarder pour les ondes d'ailleurs. Ça, vous le dites pas dans votre livre, mais vous m'avez volé ma question parce que je me suis dit, quelqu'un qui s'intéresse à la hola et qui regarde les petites brisures, les rides de temps, les petites choses qui montent et descendent, bref, tout ce qui est un peu sinusoïdal, qui est ainsi de suite, bref, tout ce qui est ondulatoire, ça ne m'a pas étonné, quoi. Voilà, Joseph Silk, impressionné par la hola de la Coupe du Monde et qui va regarder tous les endroits qui ne sont pas parfaitement plats ou en tout cas montrent des choses qui ne sont pas parfaitement homogènes et lisses. Mais vous aimez bien les rides? Absolument, parce que les rides sont cruciales. Sans rides, le ciel, l'univers sera au début très très homogène et nous ne serons pas ici à cause de ça. C'est les rides qui sont cruciales pour former les racines. Comme on va le voir tout au long de cette émission, alors on va, quelques petits rappels, hein, on va pas les faire tous, la galaxie la plus lointaine, d'ailleurs il y a un papier récent qu'on a regardé, au moins 10 milliards d'années-lumière, n'est-ce pas, à peu près, hein, peut-être plus maintenant. Oui, c'est un petit peu plus maintenant depuis une semaine, mais c'est voilà, c'est une galaxie pleine d'étoiles comme les galaxies plus proches, c'est-à-dire la vie des étoiles, ça continue très très loin dans l'univers, c'est-à-dire très très loin dans le passé aussi. Oui. Alors il y a évidemment quand les astrophysiciens se mettent à faire de la popularisation de leur discipline, les cosmologistes comme vous, il y a évidemment le moment où on parle de la taille de l'univers. Vous avez une très jolie formule qui fait rêver immédiatement, c'est que quand la Terre s'est formée, quand la Terre s'est formée, j'ai dit bien le système solaire était déjà là, et quand la Terre s'est formée, l'univers à cette époque avait les deux tiers de sa taille. Donc s'il y avait eu quelques petits homo sapiens à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait vu la nuit? Vous le dites, hein? Des galaxies partout. Ils auraient vu les étoiles comme nous maintenant. Je pense aussi qu'elles n'étaient pas si différentes il y a il y a un million d'années hein, dans le passé. Hein, c'était pas changé beaucoup. C'est des milliards d'années dans le passé. C'est un peu différent, même. Un million d'années, c'est une échelle de temps très court pour la vie de l'univers. Certes. On peut peut-être faire un léger rappel, après tout, puisque il y a le prétexte d'un contraste avec la situation que l'on peut remarquer, c'est que la nuit, le ciel est noir, et qu'il y a un paradoxe appelé le paradoxe d'Olbers, qui fait que si on disposait effectivement de toute la luminosité produite par les galaxies, les amas de galaxies, les grands filets de galaxies, les murs de galaxies, ainsi de suite, il devrait faire jour en pleine nuit. Or, ça n'est pas le cas. Oui, c'est un paradoxe intéressant. En effet, c'était aussi un grand écrivain qui avait la même idée, peut-être un peu avant. C'était Edgar Allan Poe. Et lui, il était frappé aussi par le fait que le ciel, dans la nuit, était assez noir, assez sombre. Parce que il a raisonné, comme Olbers aussi, que si on a une infinitude d'étoiles dans l'univers, le ciel doit être assez brillant. Parce que dans toutes les directions, on doit avoir éventuellement des étoiles. Oui. C'était pas le cas. Oui. Ce livre est extraordinaire d'ailleurs, hein, oui. Eureka. Quel étonnant personnage, hein, que Edgar Poe. Là, vous donnez évidemment, puisque c'est la traduction que personne n'a touchée, la traduction de ce texte, donc Eureka par Charles Baudelaire, hein, vous en donnez une citation. Et on peut que conseiller à tout le monde de lire ce livre d'Edgar Poe qui est assez peu connu dans son œuvre. Bref, nous revenons aux lisses, aux rides, aux homogénéités, aux inhomogénéités, celles qui vous intéressent. Il y a une question de principe qui va tout le temps qui va être comme un fil rouge pendant toute cette émission, c'est que au départ, après tout, il n'y a on pourra voir le détail, mais il y a une espèce d'immense homogénéité de l'univers. Et puis d'un seul coup, parce que cet univers, il est, même encore aujourd'hui, isotrope, c'est-à-dire il a les mêmes propriétés dans toutes les directions, il est homogène. Donc, il n'a pas de particularité, de densité particulière, quand on le regarde dans toute sa dimension. Bien. Voilà. Et pourtant, il vaut bien que quelque chose se passe pour qu'il y ait des inhomogénéités qu'on va appeler quoi? Ben, les étoiles qui forment les galaxies, n'est-ce pas, Stephen Silk? Oui. Alors, avant les étoiles, on a besoin des grains, en effet. Un peu comme les grains sur une plage. Hein. Mm-hmm. Si on regarde la plage de loin, c'est très homogène. Mais quand on regarde de proche, il y a les petits grains. Alors, l'univers aussi, on imagine que c'était très, très homogène, surtout sur les échelles de galaxies. Mais en même temps, sur les très, très petites échelles, il y avait des grains. On appelle ces grains, au début, les fluctuations. Et c'est peut-être aussi les fluctuations qui sont créées par une théorie un peu mystérieuse, la théorie quantique. En tout cas, ces fluctuations, au début, le fin était à former les structures avec la force de la gravitation. Et c'est le mélange de fluctuations en gravitation qui, éventuellement, après de très longs temps, a produit des galaxies. Alors évidemment, on peut peut-être répéter un certain nombre de choses. Il va falloir les conjuguer ensemble. Tout d'abord, il y a évidemment, on le sait depuis Hubble, un univers qui est en expansion. On sait aussi que Einstein a définitivement cassé l'idée d'un espace qui soit comme un grand vide réceptacle de la matière, et donc avec cette affirmation très très étrange que où il n'y a pas de masse gravitationnelle, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace, et qu'il faut de la matière, c'est-à-dire de la masse, pour former de l'espace. Et donc au fur et à mesure de l'extension de l'univers, eh bien, va se constituer, se construire, vous choisirez le bon mot, comme quelque chose comme l'espace-temps qui va s'agrandir. Alors, pour moi, le début d'espace-temps, c'est la métaphysique. Hein. Je préfère commencer avec le Big Bang lui-même, parce que c'est la chose qu'on observe avec le grand télescope. Et c'est vrai, ça a commencé avec Hubble peut-être, parce que lui est aussi un autre, qu'en même temps, Georges Lemaître, les deux ont fait ça indépendamment. Ils ont remarqué que les galaxies très loin sont déplacées, ont tendance à, avec une certaine vitesse. Et ça, ça donne, éventuellement, on interprète tout ça comme la théorie d'expansion de l'univers, ou, en termes modernes, le Big Bang. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, on peut rien dire au-delà du temps de Planck, on va pas faire de métaphysique fumeuse. Hein. Il y a le Big Bang dans une espèce de grande concentration d'énergie terrible. Et puis, alors je vais prendre une date, 300 000 ans, il faut attendre 300 000 ans. Et là, avant, il y a une espèce de soupe de quarks, d'éléments de fondamentaux, mais qui empêchent tout rayonnement. Et puis à un moment, il y a une espèce de transition. Et là, l'univers devient transparent puisque le rayonnement peut s'échapper. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut noter d'important entre ce moment dont on ne peut rien dire sinon que c'est une singularité, le moment du Big Bang, et puis ce déplacement? Alors, en fait, il y a une deuxième phase. Alors, oui. Commençons à ce moment de singularité qu'on ne voit pas. D'accord. Mais le premier mois de l'univers, oui. C'était l'époque quand le rayonnement qu'on appelle maintenant le rayonnement de cône noir, qui est notre fossile le plus important du Big Bang, s'est créé, en effet. 3 degrés K. Parce que, oui, l'univers, à cette époque, c'était comme un four parfait. Mais après un mois, tous les particules élémentaires comme les quarks, etc., ont plus ou moins disparu. Seulement les particules stables, comme les protons, les neutrons, les électrons, et le rayonnement étaient là. Mais néanmoins, la densité, l'univers est très épais, c'est comme un brouillard. Et seulement après 300 000 années, le brouillard était élevé. Et de cette époque jusqu'à maintenant, on peut voir plus distinctement les composantes de l'univers. C'est ça. Et comme vous donnez comme exemple, on le donne toujours, mais si on veut avoir une idée de ce rayonnement cosmique à 3 degrés K, qui est lui parfaitement isotrope dans toutes les directions de l'univers, vous dites qu'il suffit de regarder une télévision sur un canal vide et on voit sans arrêt l'espèce de point gris qui se déplace sur l'écran. Et donc c'est là l'antenne de télévision, ce qui est d'ailleurs le cas, puisque le Pazias et son compère ont trouvé comme ça ce fond de rayonnement cosmique. Alors, quand est-ce qu'il faut parler de ce moment absolument incroyable qu'on doit à plusieurs théoriciens, dont un qui s'appelle Alan Guth et qui a proposé ce modèle dans les années 80, sur, d'un seul coup, une espèce d'expansion extraordinairement rapide qu'on appelle l'inflation? Alors, inflation, c'est une théorie très originale, très très importante, parce que c'est une théorie qui a réussi à expliquer pourquoi l'univers est si grand et relativement homogène maintenant. Et dans l'absence de cette théorie, on n'a aucune idée pourquoi les propriétés sont comme ça de l'univers qu'on voit. Et le troisième attribut de cette théorie d'inflation, il a aussi donne la raison pour les petites grains, les fluctuations qui sont le début de toute la structure. Alors, c'est une théorie merveilleuse. Est-ce que pourquoi on est arrivé à cette théorie assez tard dans l'histoire de la cosmologie? Parce que c'était, j'imagine, 30 ans, 40 ans après l'époque d'Einstein. C'est parce que c'est les physiciens des particules qui sont arrivés sur scène et ils ont réalisé que le Big Bang était si dense et si chaude au début, c'était comme un accélérateur parfait des particules. Et avec cette idée en tête, Guth et quelques collègues ont déduit le raisonnement qui a pour l'inflation à cet moment dans le passé. Alors, il y a plusieurs caractéristiques, et on va pas toutes les aligner, on va aller rapidement. Évidemment, d'une certaine manière, ça lisse aussi en même temps. hein, l'univers, d'une certaine manière, hein, par cette expansion. Et puis, ça met, on peut expliquer que, compte tenu de la dimension qui s'élargit considérablement, il y a des points de l'univers qui n'ont pas été en interaction de façon proche, bien évidemment. Donc, il y a une très très grande dispersion. Hein, c'est bien ça. Absolument. Et ça, c'est des éléments importants aussi. C'est très important. Et la diffraction explique pourquoi, au début, tous ces éléments étaient en contact. Maintenant, on peut comprendre pourquoi l'univers a la même apparence dans les directions complètement diverses. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge. Toujours en compagnie, donc, bien sûr, de Joseph Silk, et à réfléchir sur, le futur du cosmos. Non, là, on est plutôt dans sa naissance et dans ses phases de développement. Une question. Quel peut être le moteur, de cette inflation? Est-ce que, parce que vous, évidemment, vous abordez ça dans votre livre. Donc, posons la question. Qu'est-ce qui lui a pris, à un moment, à cet univers, de s'expanser comme un ballon qui gonfle, de manière ultra rapide? Alors, c'est un, qu'est-ce qu'on appelle changement d'état de la matière. Oui. Et c'est plus facile de donner un exemple. Imaginez un lac qui est complètement gelé, oui. C'est la glace, dans un temps très froid. Mais au-dessus de la surface de la glace, il y a de l'eau. Et les poissons, pour survivre là, dans l'eau, il y a assez de chaleur qui reste. Et l'origine de cette chaleur, c'est à cause de quand la glace commence à tourner dans l'eau. Fondre. Ça donne un petit peu de chaleur. Et l'analogue pour nous, pour la physique des particules, et quand les natures des particules changent, au début, il y a une chaleur naturelle qui est produite par ce changement d'état de la matière, et c'est assez important pour un très bref instant de temps que ça peut causer une expansion énorme de l'espace. On appelle ça l'inflation. On peut dire que c'est sur le modèle d'une transition de phase, d'une brisure de spontanée de symétrie. Absolument. On peut utiliser tous ces synonymes. Absolument. Ouais. C'est le mot plus technique, mais c'est le changement de la symétrie. Maintenant, notre univers est très asymétrique. Oui. On a très peu d'antimatière. Voilà, elle a disparu. Mais au début, c'était égal. Voilà. Matière et antimatière. Et ce changement de phase était important pour l'histoire de l'espace. Voilà. Et il en reste un tout petit peu de l'antimatière et encore, dès qu'elle rentre en contact avec la matière qui lui correspond, elle s'annihile immédiatement. Donc voilà. Et en tout cas, donc on va considérer que c'est ça le moteur de cette inflation. Alors, jusqu'ici, on considérait, d'ailleurs, ça me fait, je peux pas éviter d'utiliser une des blagues que vous faites, parce que depuis hier, je me pose une question, je sais pas si elle va intéresser les gens de la technique, qui pourront peut-être se la poser, mais vous définissez à un moment, vous posez la question de savoir ce que c'est qu'un imbécile sphérique. Alors je me suis posé la question et vous répondez, un imbécile sphérique. Quel était l'astrophysicien qui avait proposé cette histoire? Alors, c'est un grand physicien, je me souviens. Alors en tout cas, son idée était, un physicien était demandé à faire un modèle d'une vache. Oui. C'est pour améliorer la production de lait, etc. D'accord. Et la réponse était, alors c'est compliqué, je vais commencer avec une vache sphérique. Elle fait un modèle de ça. Ce n'est pas très utile pour son but, mais bon, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'équation compliquée. D'accord. Et après, il y a la question, qu'est-ce qu'un imbécile sphérique? Réponse, c'est un imbécile dans toutes les directions. Évidemment, puisque de toute façon, ce qui est sphérique est évidemment à l'intérieur du volume. Là, c'est parfaitement isotrope et homogène, hein, on peut dire. Hein. Donc ça marche bien. Donc un imbécile sphérique est un imbécile dans toutes les directions. Tenez-vous bien maintenant, regardez toutes vos directions et vous allez pouvoir y répondre, savoir si vous avez quelques asymétries à l'intérieur. Bon, alors, évidemment, dans le sous-titre, et il faut quand même commencer à l'aborder, toujours en pensant, en retenant cette question, comment se fait-il que, dans un univers homogène, il y ait eu des petites perturbations locales, des inhomogénéités que l'on peut considérer comme des infragrains de la matière à venir, puisqu'avant, après, plus tard, ça sera ces grands rassemblements qui sont des rassemblements galactiques, hein, de galaxies. Donc, on garde bien cette idée d'homogénéité. Alors, vous dites que c'est à toute petite échelle que les choses se sont faites. Absolument. Alors, on commence avec la vide. Il n'y a rien de tout dans le vide, oui. On pense, mais ce n'est pas vrai. Oui, le vide quantique n'est pas vide. Le vide, un vide, n'importe quel vide, un vrai vide, rien, c'est-à-dire, dans cette vide, et on voit le vide dans l'espace, sans galaxie du tout, et dans cette vide, il y a des petites fluctuations, on appelle ça les fluctuations quantiques, qui sont les particules virtuelles, qui va et vient, disparaître et revient. Et ça donne les petites fluctuations dans l'énergie, très très petites, à cause de l'énergie dans ces particules virtuelles. Le problème est, c'est sur une échelle très très petite. Et ici, on fait appel à l'inflation. Parce qu'au début, c'était comme ça. Ces petites fluctuations étaient irrelevantes pour la grande échelle, mais avec l'inflation, c'était comme un grand amplificateur d'échelle. Et là, voilà. Et voilà, aujourd'hui, après 300 000 années, peut-être qu'on commence à faire les choses avec gravitation, on avait les fluctuations sur grande échelle. Et c'était l'origine de structure lui-même. On peut répéter ça d'ailleurs pour compléter le portrait, c'est qu'à l'origine, l'état même énergétique de l'ensemble du cosmos, de l'univers, fait que aucune des forces, des interactions qui maintenant, elles, sont bien distinctes, étaient séparées. Et donc il y avait une grande unification, et en particulier, il n'y a pas de gravitation, bien sûr. Puisque pour avoir de la gravitation, il faut qu'il y ait de la constitution de matière concentrée, donc de la masse. Et donc, en tout cas, donc là, on est à un niveau où ces forces-là n'existent pas. Et c'est en descendant l'échelle des températures qu'on va les voir. Alors nos contemporains, où justement les cosmologistes comme vous et les physiciens des particules se tiennent la main, sinon comme un serpent qui se mordrait la queue, c'est souvent l'image qu'on utilise, c'est à regarder ce qui correspond de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et par exemple de réussir à, avec un accélérateur, à réunifier des forces qui étaient désunies. On peut penser dans les années 80 à la réunification des forces électrofaibles qui ont donné le boson W et plus moins et Z0. Absolument. On peut dire aussi qu'au début, la grande chaleur de l'univers était dévastatrice pour former les structures. Et c'est seulement quand l'univers a refroidi qu'on avait la chance pour la gravitation à dominer et donne la possibilité pour former les grandes structures. Pourquoi vous avez eu autant d'énergie, si je puis dire, d'abord vous avez eu beaucoup d'intuitions, elles vous sont venues très tôt, vous parlez de la première qui, lors d'un séjour à Berkeley. Pourquoi cette affaire d'homogénéité, de petites variations, de possibilités que d'un seul coup se forment des grumeaux de matière, si je puis dire, vous a tellement tenu? Pourquoi c'est ce point de désir? Vous êtes tombé amoureux de cet objet scientifique, on peut dire, ou de cette question cosmologique. Stephen Silk, pourquoi? Alors, Joseph Silk, mais pourquoi je vous appelle Stephen Silk? Excusez-moi. Alors, ok, Stéphane, oui. Okay, alors, j'avais la chance parce que à l'époque, quand j'ai fait mes études doctorant, c'est exactement l'époque quand deux physiciens, radioastronomes Penzias et Wilson, ont fait la grande découverte de la rayonnement fossile du fond. Alors, c'est vraiment le début de le Big Bang Show de ça. Et j'ai réalisé, quand j'ai entendu ces nouvelles, qu'ils ont parlé seulement de rayonnement fossile dans le ciel, etc., et quasi-homogène aussi. Mais pour moi, c'était pas possible pour avoir un rayonnement fossile sans les inhomogénéités, parce que l'univers est très homogène maintenant. Et j'ai réalisé, pour former les structures, on a besoin des racines, des petites fluctuations, on peut les appeler. Et j'étais un peu obsédé par ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma thèse. Et après, oui, j'ai jamais regardé derrière. Hein. C'est tout avancé très vite. Oui, mais c'est une des particularités des scientifiques qui tombent amoureux d'une certaine manière. Il y a un vrai désir. La libido cognoscendi s'est portée chez vous. Alors, j'ai trouvé la raison pour laquelle je vous appelle Stéphane, parce que vous étiez sur le même banc d'école que Stephen Hawking. Voilà, vous, maintenant, il n'y aura plus de lapsus. Hein. Vous êtes vraiment Joseph. Et le Stephen Hawking, lui, c'est toujours le Stéphane. Donc, voilà la raison. Et puis, la question essentielle, mais on va l'introduire après une petite respiration musicale, parce qu'on a déjà dit des choses qui sont pas faciles, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une question d'échelle, c'est-à-dire que plus on fait un focus précis sur un lieu de ce grand espace, plus on a de chances de voir des petites homogénéités. Et tout se lisse quand on regarde de très loin et quand on est à une grande échelle. Et là, tout apparaît parfaitement bien, lisse, homogène et tout. C'est bien ça. On peut retenir ça. Absolument. C'est l'idée principale derrière tout ça. Voilà. Can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you the 104, my phone got hot and wouldn't do no more. Gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Voilà, comme illustration, Chuck Berry, c'est-à-dire le Big Bang de la, allez, le rock'n'roll réuni à, je sais pas, moi, le rhythm and blues, et ainsi de suite. Voilà, c'est monsieur, c'est le Georges Lemaître qui fut chanoine, du rock'n'roll, Chuck Berry dans l'affaire et dans la circonstance, qui nous a fait passer très largement le mi-temps de cette émission, de ce rendez-vous de Continent Science, où nous regardons le passé et le futur du cosmos, toujours en compagnie de Joseph Silk, qui me pose une question embarrassante. J'utilise le mot lisse et on essaie de savoir si c'est rendu par homogeneous ou par mousse en anglais. Voilà. Enfin, lisse, comme une feuille, on s'est compris. Alors, nous voilà avec le temps accouru. On aura pu, parce qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes, en particulier la nature du rayonnement fin, du petit rayonnement, puisque vous mobilisez un rayonnement qui est tout petit et justement qui est lié à cette découverte d'unification qui s'est faite au CERN. Hein, c'est l'électrofaible, le rayonnement électrofaible, le rayonnement qui donne le rayonnement bêta, c'est bien ça, hein? Voilà, oui. Alors, nous voilà maintenant avec matière noire et énergie sombre. Comment on dit en anglais la chose ? Alors, matière noire. Dark matter. Dark matter, oui, matière noire, matière sombre, voilà. C'est la matière qu'on ne voit pas directement. Et le problème, on a que on est certain maintenant, parce qu'on peut peser la matière dans l'hiver. Il y a plusieurs moyens de peser maintenant, avec le télescope en effet, les données. Et on réalise que 80% de la matière est invisible, est sombre, est noire. Alors, c'est un problème, parce que... Certes. Oui, c'est très important. Culturellement, intellectuellement, on doit savoir la majorité de la matière de l'univers. Comment on peut construire une galaxie si la plupart de la matière est noire? Alors, c'est pour ça qu'on a maintenant des théories, plusieurs, qui sont importantes pour savoir qu'est-ce que peut être la matière noire. Et beaucoup, beaucoup d'expériences qui cherchent pour identifier les matières noires. À vous donner une caractéristique, que Joseph Silk, c'est que, à Tōku, par exemple, il y a des halos de matière noire autour des galaxies. Alors, question de principe pour aller vite, hein, si on regarde quelle est la matière constituée à l'ordinaire, grosso modo, il y a des hadrons, donc ce sont protons, neutrons, avec une légère différence de masse entre eux, et puis au bout d'un moment, avec l'interaction électromagnétique, il y a les petits électrons qui arrivent, et puis qui forment ensuite donc les atomes que l'on connaît, et qui vont former ensuite les molécules de la chimie, ainsi de suite. Bon, on voit que, en tout cas, les hadrons sont tenus à l'intérieur, et que l'intérieur, donc, de ces hadrons sont formés de quarks, c'est pour ça qu'on les appelle des baryons. Ceux-là, ils sont synonymes par le fait qu'ils portent, alors que les électrons ne sont pas des baryons. Il y a d'autres mots chaque fois, ça c'est dans les, vous avez beaucoup de vocabulaire pour définir les propriétés, hein, que vous envisagez pour chacun des objets. Et là, c'est de la force nucléaire forte qui les maintient. Mais de quoi peut être bien faite cette matière noire, là? Alors, quel type de rayonnement il joue à l'intérieur? Quel type d'interaction? Alors, c'est pas du tout la matière qu'on connaît. Parce que si cette matière noire a des réactions comme la matière qu'on connaît, par exemple comme les protons, ça va accumuler dans le centre de la galaxie, dans les étoiles, etc., dans le nuage de la matière interstellaire. On ne voit pas. C'est pas là du tout. C'est dans l'extérieur. Et parce que ces restes extérieurs, on est certain, c'est construit des particules de très, très faible interaction. Pas du tout comme les particules qu'on connaît. Alors, un peu comme le neutrino? Le neutrino, c'est l'exemple, mais c'est encore peut-être plus faible que le neutrino. Encore plus faible? Oui, c'est ça. Puisque nous sommes traversés en ce moment de milliers de neutrinos qui n'interagissent pas avec les atomes de notre corps ou de ce studio. C'est bien ça, sûr. C'est ça. Encore plus faible? Encore. Peut-être... si faible comme le neutrino au maximum, mais certainement pas comme les protons, etc., qui ont une réaction assez forte. On peut voir un proton, un électron dans la lumière, mais ces particules noires de la matière noire sont très, très difficiles à détecter. Tout a commencé, en effet, à l'origine on peut poser des questions. Comment on est certain, et on a toutes les matières noires dans les halos de galaxies? C'est parce que la lumière de la galaxie très distante, derrière ces halos, dans l'arrière-plan de l'univers, cette lumière passe pas dans les lignes droites. C'est courbé par cette matière. Et pour ça, maintenant, on a des grands plans de l'univers qui montrent la distribution de lumière des arrière-plans. Et pour soi, on a fait des plans de cette matière qui est noire, mais en effet, on peut le détecter à cause de son gravitation. Donc, pour vous répéter avec d'autres mots et pour savoir si j'ai bien compris, Joseph Silk, ce qu'on voit là, c'est, même si on ne voit pas cette matière noire, par rapport au rayonnement, et on sait que de toute façon, toute matière, quelle qu'elle soit, ça a été démontré magnifiquement au moment de l'expérience de Eddington, hein, l'espace est courbé par une masse gravitationnelle. Et donc même celle-ci, qui est infime, elle joue quand même ce rôle de déformation de la géodésie qui passe à proximité, c'est bien ça? Absolument. Et maintenant, avec un télescope, on peut faire un plan de distorsion de galaxies loin. Et en effet, ça donne un plan de la matière noire. On peut voir clairement qu'une galaxie comme Andromède, comme la Voie lactée, autour de cette galaxie, il y a une grande couronne de la matière noire. Et la question, comment on peut détecter les particules de cette matière noire, est une des grandes espérances qui est la propriété d'un des meilleurs candidats pour cette matière noire. Mm-hmm. Et ces particules, de temps en temps, elles font la collision entre eux. Et cette collision peut donner un petit morceau de lumière, comme les rayons X. Oui. Où? Dans l'espace, très loin. Alors, par exemple, on peut imaginer avoir une couronne de rayons X très, très faible. Où est la matière noire? Comme on a là aussi, mais avec un télescope dans l'espace qui peut détecter les rayons X, oui, les rayons gamma, etc. Qui se dégage donc de toute l'atmosphère terrestre, voilà, et qui, voilà, d'accord, donne une vision plus visible. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut ajouter avant de passer à l'énergie sombre, c'est que, d'ailleurs, il y a eu un prix Nobel qui a été donné pour cette raison, tellement elle est d'importance, c'est qu'on croyait que l'expansion était continue, depuis le départ, que on voyait ça tout à fait normalement et gentiment, si je puis dire, cette expansion continuait à créer de l'espace, ainsi de suite. Et puis, si on regarde très très très loin, et là je vais vous laisser évidemment la parole, Joseph, si, on a vu... Une accélération, c'est très très bizarre. Parce que... Accélération. Oui, parce que c'est relative vis-à-vis nous, c'est-à-dire, on le voit lactée, c'est-à-dire les supernovas, les étoiles qui font la grande explosion, on peut les voir très loin. Étoiles massives qui explosent à un moment. Voilà. D'accord. On peut les voir très loin. On pense qu'ils sont très utiles pour mesurer les distances, parce qu'on voit pas mal autour de nous. Alors, quand on voit une supernova très très loin, quand l'univers est beaucoup plus petit que maintenant, il y a une surprise pour les astronomes. Son brillance était trop faible, et oui, que prévu, vis-à-vis la supernova proche. Et la seule explication est qu'il y a une accélération de l'univers entre les galaxies très loin et nous. C'est plutôt nous qui sommes plus tard qu'on accélère de ces galaxies très loin. Et la cause de cette accélération, c'est connecté à une idée qu'Einstein avait au début de la cosmologie moderne. C'est-à-dire, il y a une force sombre, Einstein l'appelait la constante cosmologique, qui donne une repulsion, une force d'antigravitation, qui peut expliquer ça, et qui est seulement importante, parce que c'est une force très faible, quand l'univers commence à grandir un peu, comme maintenant. Oui, parce que ce qu'on peut dire en d'autres termes, c'est que d'une certaine façon, compte tenu de la masse dans l'univers, ce qui joue, c'est évidemment la masse de gravitation, l'interaction gravitationnelle, et qui, elle, est attractive, qui concentre, d'une certaine façon. Et là, c'est antigravitationnel. Il faut imaginer donc gravitation négative. Oui, c'est ça. Alors, gravitation, c'est importante pour une surdensité de matière. Par exemple, comme la Voie lactée. Oui. Ou dans les échelles plus grandes, un grand amas de galaxies. Oui. Alors, la gravitation est dominante. Mais imagine que dans l'expansion de l'univers, la densité moyenne devient plus et plus bas, à un moment ou un autre, cette petite résiduelle constante d'Einstein, qui est comme une force antigravitationnelle, peut dominer à la fin. Et à ce moment, on commence à accélérer. Et c'est ce qu'on pense, on voit maintenant, cet état d'accélération. Ça a juste commencé il y a quelques milliards d'années, peut-être. Mais pour l'avenir, c'est plus grave, peut-être. Alors, petit retour historique, mais ça montre que même les plus grands génies parfois peuvent dire des bêtises et parfois même le reconnaître en disant qu'il aurait dit, paraît-il, Albert Einstein, que c'était une des plus grosses bêtises de sa vie. Il a mis une constante d'univers, il a mis une constante cosmologique, hein, parce que il avait d'une certaine manière besoin d'un univers qui soit stationnaire. Hein, c'est ça. Voilà, Einstein n'était pas du tout au courant de l'expansion de l'univers. C'était pas découvert voilà, à ce moment. On n'avait pas trouvé. Et il est obsédé, il est obsédé par l'idée que l'univers doit être stable. Ça peut pas collapser. Alors, et pour avoir une concurrence à la force de gravitation, il a dit, ah, je dois mettre une force d'antigravitation. Et ça la forme de son constant cosmologique qui peut agir. C'est un constant très, très petit, mais ça peut, en effet, donner sa force qu'il avait besoin sur la plus grande échelle de l'univers. Et c'était son solution. Mais après le découverte de Hubble, il a réalisé qu'on n'a pas besoin de ça du tout parce que l'expansion peut contrer la gravitation très facilement. Il a dit que c'était la plus grande bêtise de sa vie, ça. Alors là, c'est l'occasion, on peut le citer, faire une petite incise et une petite parenthèse. Vous avez connu, vous avez travaillé avec Fred Hoyle. Pas travaillé, mais enfin bon. Vous avez été, en tout cas, dans sa proximité. Et alors lui, il est resté, on le sait, c'est puisque c'est lui qui, par moquerie, a appelé cette histoire Big Bang. En somme, ça ressemble à un bang, un gros bang, votre machin. Il n'y croyait absolument pas. Il était pour un univers statique, lui. Évidemment, avec un scénario bizarre où il y avait de la production de matière de façon constante, c'est bien ça. Hein. Et oui, oui. Alors Hoyle avait l'idée pour contrer, pour expliquer l'expansion et garder un univers statique. Matière doit être créée dans l'espace tout le temps et dans tout l'espace. Et comme ça, la galaxie peut apparaître. Et on n'a pas besoin d'éloigner une galaxie à une autre parce que on avait une nouvelle galaxie qui laisse pas le vide derrière. C'était son idée. Après dix ans, les nouvelles données ont fait la preuve. Il avait complètement tort. Hein. Mais pour une période, c'était un intérêt important pour la cosmologie. Alors, vous avez intitulé un de vos chapitres, et là, on s'achemine vers la fin, qui s'intitule « La chasse à l'énergie sombre », où vous précisez qu'elle est donc dominante, cette énergie, puisqu'elle représenterait 72% de la masse énergie de l'univers, on peut dire, pour aller vite, Joseph Silk, et que elle pose la question, là, simplissime d'une certaine manière, c'est que est-ce que cette énergie va connaître une limite? Est-ce qu'elle va ne pas connaître de limite? Est-ce que elle va être vaincue par la force de gravitation? Et là, on aura une espèce de grand rassemblement de matière à nouveau. Ou au contraire? Alors, la réponse est on ne connaît pas. Mais la chose la plus simple à dire est quand cette constante, petit constant domine, on accélère. Et dans le grand avenir, toutes les galaxies autour de nous auraient disparu. Notre horizon dans l'avenir va être seulement notre galaxie, la Voie lactée, et tous les autres sont partis. On va être seul, hein? Voilà, on est seul. Voilà. On va être seul, comme vous dites. Mais il y a une autre possibilité. On peut imaginer aussi qu'il y a un nouvel changement de l'état de la matière, de l'état de cette nouvelle champ d'Einstein à l'origine de l'énergie sombre. Et peut-être on peut résumer le collapse ou l'expansion, on ne sait pas pour certains, mais rien n'est évident. Certains ont parlé de Bing Crunch à un moment, c'est ça. Hein, voilà. Alors je vous propose, Joseph Silk, de terminer par une question que moi je prends avec précaution, vu mon positivisme un peu appuyé, mon rationalisme un peu épais, si je puis dire, c'est la question du principe anthropique. Alors, certains disant que c'est incroyable, comme toutes les constantes de l'univers sont tellement bien ajustées, tellement fine. Il faudrait si peu d'écart entre n'importe quelle de ces constances pour que la vie, et donc l'homme, n'existe pas. Et certains vont plus loin, c'est la thèse forte. En somme, il y aurait, et on voit arriver massivement, évidemment, ce qui prône des théories complètement finalistes, et en particulier ceux qui sont dans l'intelligent design, c'est-à-dire qu'un horloger aurait manigancé les choses pour que l'homme soit là pour regarder la création du grand horloger. Alors, moi, je pense que tous ces arguments de qu'est-ce qu'on appelle fine-tuning en anglais, oui. La réalité manque. Alors, pourquoi? Alors, commençons avec la vraie raison derrière ça pour les scientifiques, les cosmologistes. Tous les constantes de la nature, c'est vrai, on a besoin de certaines limites, pas trop grandes, pas trop chaudes, pas trop froides, pas trop petites, etc., etc. Mais il y a une seule constante qui pose un vrai problème. C'est-à-dire l'énergie sombre, la constante cosmique d'Einstein. Et cette constante doit être une valeur infinitésimale, pas prévue par le modèle standard de la physique, et plus petite qu'une valeur naturelle, on peut dire, vis-à-vis les choses, les quarks, etc., par 120 facteurs de 10. Oui. 10 à puissance 120. C'est un numéro incroyable. C'est-à-dire, notre énergie noire est plus petit par un facteur incroyable. Et si on était dans un autre univers, avec un plus grand chiffre là, nos galaxies n'auraient pas formé du tout. On pouvait pas être là. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un multivers, de presque une infinitude d'autres... Multivers, pardon. Oui. Plurivers, appelé par d'autres. Plurivers, oui, multivers, oui. Voilà. avec des galaxies, des univers avec la plupart, la vie ne peut pas former, la galaxie non plus, mais il y a un seul peut-être possible, et c'est nous alors. On est très exceptionnel. Moi, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est connecter à l'origine de la vie, etc., et se connecte la vie à la cosmologie. Pour moi, c'est une théorie de métaphysique. Oui. C'est pas du tout la physique. Pour moi, la théorie de physique dit le suivant. On attend une meilleure théorie de la physique qui va donner les chiffres manquants. Oui, c'est ça. On a besoin peut-être de meilleure théorie de gravitation. Oui. Pour le moment, on n'a pas une théorie qui mélange la quantique et la gravitation. On n'a pas cette théorie du tout. Oui. Alors, pour nous, le début, c'est incomplète. On n'a pas vraiment... Et c'est prématuré, pour moi, à postuler cette histoire de multivers, etc. Et à la fin, vous dites, et puis après tout, nous sommes là parce que nous sommes là. Parce qu'il y aurait évidemment aussi beaucoup de questions à poser, puisque on est une forme de vie carbonée, mais on pourrait tout à fait imaginer une forme de vie de silice, par exemple. Et puis, on est auto-réflexif. Et puis, le vivant, il est auto-réplicatif. Or, von Neumann avait imaginé des bateaux qui partaient et qui étaient des robots auto-réplicatifs. La conscience de soi, enfin bref, pour ajuster de façon, selon un intelligent design, il me semble, je ne sais pas spontanément, qu'on va en rester sur l'alliance du hasard et de la nécessité, et savoir si on est toujours dans un hasard d'ignorance ou dans un aléatoire réel, n'est-ce pas, Joseph Sill? Pour moi, notre ignorance, l'aspect plus positif, notre connaissance scientifique, c'était peut-être un siècle, la science moderne, ou 2000 années, si on prend les classiques aussi. Mais pour moi, c'est rien du tout. C'est une petite rien. Dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, on doit avoir une beaucoup meilleure théorie de tout, en effet. De la physique fondamentale, de l'expansion, de l'origine du Big Bang, et toutes les choses qui étaient avant, etc. Et pour moi, tous les autres mystères, on doit attendre avec patience. On ne connaît pas encore. Voilà. Mal connu, physique. Attendons. Travaillons. C'est très prématuré. Mille merci, Joseph Sill, que j'ai appelé Stéphane, pardonnez-moi tout à l'heure. Le titre de l'ouvrage, c'est Le futur du cosmos. Hein. On a vu le passé et le futur, matière noire, ouais. Avec une préface de Hubert Reeves. Le tout édité chez Odile Jacob. Ben voilà, nous arrivons au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Aux manettes aujourd'hui, Élise Leu. Pour la documentation, Henri Leblanc. À la réalisation, d'Annie Journeau, la roqueuse. Stéphane Delisgeorges, Continent Science est balado diffusé, comme vous le savez. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr, l'émission Continent Science. Demain, à la même heure, eh bien, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste bien sûr à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture, à vous remercier de continuer à nous écouter.